Caouette, Thériault et Associés, concessionnaires des greffes de Marcel Leblanc, André Gendron et Daniel Fortin, profitent de l'occasion pour vous souhaiter un bel été. Que ce soit pour vos besoins en arpentage, cadastre, certificat de localisation ou autre, communiquez avec Caouette, Thériault et Associés au 418-276-2478. Caouette, Thériault et Associés, 1660 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini. Monsieur Henri-Paul Caouette souhaite la meilleure des chances à l'organisation de la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix qui se tiendra en fin de semaine à la Chute à l'Ours de Normandin. Pendant la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix de Normandin, votre magasin IGA Denis Cloutier de Normandin vous offre des spéciaux imbattables. Cette semaine, le café Maxwell House à $5.99, le melon d'eau à $3.99, le beurre de marque Compliment à $3.33. IGA Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril Normandin, 418-274-2009. Toute notre équipe souhaite un franc succès aux équipes qui participent à la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix à la Chute à l'Ours et remercie les organisateurs qui se donnent corps et âme pour en faire un événement majeur pour Normandin. Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Du 11 au 13 août 2017 aura lieu la 16e classique de volleyball de plage Family Prix Jeannie Larouche au site touristique de la Chute à l'Ours à Normandin. En mon nom et celui de mon conseil de ville, j'invite toute la population et les gens de la région à venir en grand nombre encourager nos joueurs de volleyball dans une compétition des plus relevées. Félicitations aux organisateurs et aux joueurs pour ce grand événement sportif qui aura lieu à Normandin. Il y a eu, on en a parlé avec Pascal Masson, notre collaborateur des Alouettes de Montréal, récemment, il y a eu une étude qui a été faite aux États-Unis qui met en cause les commotions cérébrales avec la pratique du football. Et ça, il y a des données qui ont été faites récemment. S'il y a de moins en moins de jeunes qui pratiquent le sport du football, et évidemment, ça doit avoir des impacts en région. On va parler avec l'instructeur des Cougars de Chicoutimi, Nick Malachi, pour savoir un peu, lui, dans le recrutement, comment ça va. Est-ce que c'est de plus en plus difficile de recruter, compte tenu que le football a peut-être mauvaise presse? On en parle avec Nick. Salut, Nick! Salut, Harry. Nick, effectivement, on est à quoi? 3 semaines, 1 mois du botté d'envoi pour la nouvelle saison. C'est une année de recrutement beaucoup. Il y a beaucoup de recrutement à faire. On dit que le football au Saguenay-Lac-Saint-Jean est en perte de vitesse. Là, il y a eu ce rapport il y a 2 semaines qui a été diffusé que la pratique du football aux États-Unis est liée carrément à cause avec les commotions cérébrales. Donc, le football a mauvaise presse actuellement. Est-ce qu'un entraîneur comme toi là, qui doit recruter des joueurs, ça devient difficile à cause de ça? OK, mais Nick, oui. C'est les ETC, dans le fond, c'est les problématiques qui sont liées à des commotions cérébrales à répétition. C'est ça qui s'est bien prouvé, cette étude-là. C'est que les joueurs actuels qui en ont fait plusieurs, eux, il y en a qui ont développé des démences et des choses comme ça, parce qu'eux, ils ont développé, ça s'appelle l'ETC. C'est l'encéphalopathie traumatique chronique. Mm. Ça, ce que ça fait, c'est quand on a subi plusieurs, ça fait une problématique. C'est là que ça devient dangereux. Ce que l'étude a bien montré, c'est pas un jeune qui a fait une commotion cérébrale. C'est ça qu'il faut faire attention, par exemple, pour relativiser dans tout ça. OK. Mais Nick, à quelque part, c'est... Toi, tu sais, mais le football a mauvaise presse, pareil. Ça va nuire, pareil. Ah, ben oui. Ouais. Ben oui, absolument. Absolument. Mais tu sais, ces études-là, on remarque que ces études-là, ils sont partagées par la plupart des médias. des médias qui, quand vient le temps de faire une couverture au niveau football, on les voit pas. Ils sont pas là, ces médias-là. Et quand c'est le temps de venir brasser un petit peu brasser la soupe et venir rajouter à ça, on les voit arriver quand même assez rapidement. OK. Il y a les autres sports, tu sais, il y a des études qui ont été faites. On parlait d'un sport là, comme le cheerleading féminin, ouais, qui avait plus de commotion cérébrale. Je veux dire, le hockey féminin, c'est ça. Les études qui passent, il y a eu quelque chose qui a été fait à Radio-Canada il y a plusieurs années, je pense que c'était le cerveau de nos jeunes en péril, quelque chose comme ça. Ça avait fait incroyablement mauvaise presse, le film commotion où on voit une scène où le cerveau se déplace à l'intérieur de la boîte crânienne. Je veux dire, c'est certain que ça, c'est un stop majeur pour une maman qui regarde son garçon la fin de semaine et qui voit partir, qui est plaqué. Il y a d'autres joueurs qui arrivent, des gars plus gros. Donc, par contre, il y a eu des avancées majeures dans ce sport-là. Il faut en tenir compte aussi parce que les résultats d'aujourd'hui sont en lien avec... Ben, Pascal Masson, qui est mon collaborateur des Alouettes, est impliqué également au niveau collégial, également dans la région de Québec, puis il me disait que le protocole est différent, là. Autant qu'on prenait plus ou moins au sérieux, autant le protocole, on n'y est pas avec le POC, là, comme qu'on dit. Là. Ah, ça a changé, là, Dan. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis, c'est ça qui est important de mentionner. La prise en charge des jeunes, maintenant, elle est immédiate. Moi, là, je veux dire, on n'a pas besoin de monter dans les années 80. Quand moi, je jouais, quand j'avais 17 ans, puis qu'on prenait un bon coup, là, ça me faisait mal à la tête, puis ça coûtait le fer, puis on en revenait au vent, puis je veux dire, ah, j'ai mal à la tête, je le prends par toi. Je veux dire, tu peux te faire traiter de momoune, tu peux te faire dire, hey, déjà à cette époque-là, les commotions cérébrales, on n'en parlait pas, on les voit tout de suite après, on manquait pas de match pour ça. Moi, l'année passée, Dani, combien de fois des joueurs ont eu des contacts où on a eu un doute? On n'a pas de. Comment je peux dire ça? Il n'y a aucune. L'absence de symptômes peut quand même mener à une commotion cérébrale. Ouais. Quand il y a un choc, quand il arrive une situation, c'est pris en charge automatiquement. Maintenant, là, tous les équipes ont obligatoirement un thérapeute qui est là, quelqu'un qui est responsable de l'équipe, qui est là pour ces situations-là, justement. Moi, j'ai François Loisel, qui a travaillé pour les Voltigeurs de Drummondville au hockey, qui a travaillé dans différents sports, qui est mon thérapeute, c'est un thérapeute du sport. Donc, lui, il est là. Je veux dire, on a des joueurs que dès qu'on a un doute, il est sorti. Il y a un protocole scolaire, le lit de la pointe est informé, le chemin, donc ça s'en va vers les professeurs. Donc, il y a un gros protocole qui est mis en place avec le centre de traumatologie à l'hôpital de Chicoutimi. Donc, nous, on a un gros protocole. Donc, c'est beaucoup mieux suivi, traité et surtout dépisté. Ben, c'est ça le... Pascal me disait qu'il y avait beaucoup... une commotion cérébrale bien traitée, il n'y a pas de problème. C'est que c'est juste une commotion cérébrale qui est mal traitée, que c'est là que les problèmes commencent à arriver. Là. Et c'est ça qu'il disait. Mais toi, sur le terrain, tu sens-tu... Parce que je t'ai vu partager un article il y a quelques semaines, puis je voulais te rappeler là-dessus, concernant le football. Est-ce que tu vois sur le terrain que ça a vraiment de mauvaise presse? Est-ce que c'est difficile ou rendu là, c'est plus au niveau... Parce qu'à l'époque, tu dis, ouais, mais rendu au niveau collégial, mais à quelque part, au niveau collégial, s'il y a moins de joueurs, ça vous touche pareil. Là. Ah, ben oui, automatiquement. Automatiquement, c'est certain qu'on est touché par ça parce que nous, on est au-dessus de la pyramide dans la région. Donc, c'est sûr que quand il y a moins de joueurs qui jouent, on est touché. Ce que je voulais dire, c'est que nous, on a moins l'occasion de voir des parents qui vont arriver avec des craintes au niveau des commotions cérébrales vraiment plus rendues à cet âge-là parce que les jeunes jouent plus longtemps. Mais tu sais, comme je te dis, toutes les techniques, toutes les façons, tout ce qui a changé, mais moi, on le voit, là, je veux dire, il y a moins de joueurs qui jouent plus tard. J'ai des situations, j'ai parlé avec des jeunes, mais c'est pas d'aujourd'hui. Ben c'est longtemps que ça dure. Je veux dire, je coachais des jeunes de 12 ans, après qu'ils avaient parti là, il y a une dizaine d'années, puis c'était déjà la même problématique. Puis imagine, il n'y avait pas encore toutes les études qui ont sorti, qu'il n'y avait pas toutes ces choses-là qui avaient été faites encore. Mais... Donc on regarde ça, puis on regarde, on a un Laurent Duvernay-Tardif qui est un docteur. Ouais. Les résultats et tout ce qu'on voit, ces affaires-là, je veux dire, c'est le premier à avoir dit, il faut relativiser ça, il faut faire attention, parce que justement, lui, il disait, les risques de commotion cérébrale par rapport à la sédentarité, donc un jeune qui ne bouge pas, qui reste chez eux, qui ne fait pas de sport, est beaucoup plus dommageable pour le corps humain. Mmh. Les risques de cholestérol, les risques de cancer, les risques de stéthyse cardiaque, que d'avoir une commotion cérébrale à l'âge de 17 ans, pendant qu'il joue au football, les risques sont beaucoup plus grands de rester à la maison assis dans le c'est clair. Mais quelque part, moi, là, c'est sûr qu'il y a une poursuite au hockey là, qui est en cours actuellement, mais à quelque part, je ne sais pas si tu as raison, mais c'est quasiment juste lié au football, la mauvaise presse. Cheerleading, là, je l'ai su la semaine passée avec Pascal Masson que le cheerleading et le ski alpin également, apparemment, qu'il y a des gros risques également de commotion cérébrale. Absolument. Fait que Pascal Masson me disait ça aussi. Donc, mais c'est, on dirait que quand c'est lié aux commotions cérébrales, c'est le football. Je sais pas si je me trompe. Parce que c'est un sport de contact. Quand on regarde le hockey, quand on entend parler souvent de hockey, quand les gens veulent parler en mal du hockey, ils vont dire quoi? Ils vont dire les bagarres, combien de joueurs sont décédés de la Ligue nationale. Oh oui, c'est des Derek Bogard et des John Cordick, et ainsi de suite. Non? C'est tout à lié. Des situations comme ça, puis là, on va parler des bagarres, on va parler des petits salauds, et on parle du négatif. Je veux dire, on veut mousser ça parce que ça fait du sensationnalisme, ça fait vendre. Je veux dire, je nommerai pas les médias, mais il y a des médias qui s'amusent à faire ça. Ils s'amusent à mettre l'huile sur le feu. Vu qu'ils ont la chance de venir frapper sur le football, ils le font. Sauf que moi, là, ce que je vois au quotidien, ce que je vois à longueur d'année, quand je vois à Jonquière, quand je vois à Alma, quand je vois au PWT, au Mustang de Scoutini, je suis allé voir le mini football, je vois des jeunes qui jouent au football. Je vois un sport où il y a des gens qui sont passionnés, qui prennent le temps, puis maintenant ils prennent attention aux jeunes, ils font attention. Les techniques ont changé, les exercices ont changé. Je veux dire, maintenant on plaque des roues, comme au rugby, je veux dire, moi j'en ai trois, là, j'ai acheté ça, on se plaque quasiment plus en plus. Okay. Okay. Pour limiter les contacts, pour limiter aussi les commotions cérébrales pendant les pratiques. Ouais. Donc, c'est les bienfaits du football par rapport aux commotions cérébrales. OK. Donc, en terminant, on va se reparler la semaine prochaine ou dans une couple de semaines quand ça va commencer. Mais satisfait dans trois semaines, satisfait un peu de ton équipe jusqu'à là? De la préparation des gars, ainsi de suite. Je sais qu'ils sont pas au cégep, mais ils ont un programme. J'imagine que tu suis le programme, j'imagine. Donc, la plupart, si ça va bien. C'est exactement les programmes d'entraînement. Les joueurs sont à l'entraînement, les coachs sont arrivés, mon nouveau coordonnateur offensif est arrivé en ville. On s'est rencontrés, on commence bientôt un camp de conditionnement avec les jeunes ont hâte de jouer, on a hâte, le coach est stable, donc oui, ça va bien, on a très hâte de commencer la saison, tout ce qu'on commence contre les Gaillards, c'est vrai que Jonquière, le 1er septembre. OK, donc on va se rappeler pour parler un peu de l'édition 2017 des Gaillards. Ben, Nick Menacci, très intéressant, on se reparle bientôt. L'instructeur des Gaillards de Chicoutimi, Nick Menacci.